gif, Yanzo. Strike sur la France, 59G. What up, Saka? On est bien d'accord, bâtard. DJ Wallace, DJ Nash B. 2006, c'est tous au saguet. Esquive la justice et leur putain de parquet. On encule la police qui cherche à nous embarquer. Vu qu'on veut des calices, peu importe le prix à payer. C'est nous les voyous, les délinquants immigrés, les jeteurs de cailloux qui vivent son compte de l'état français. Et sur le raté, on passe des deux journées pétées. Et chaque matin on dit hamdoulet de cette parfait pété. Mon boulot c'est un crime, pas de la crème. Y'a que du boulot seulement pour la bague et la crime. 7-900, on trame, ça passe du vol à la roulette au crime. 7-900, pas le temps pour les sentiments. On cherche les billets, pas les centimes. 7-900, ça baisse pour du 09, c'est écoute du 59. Ça baisse, on écoute sur ton 06. 5-900, c'est le plan Vigier, Index 605 AVG. 7-9, y'a que des fous, y'a pas faux, ça brûle les feux. 5-900, quand tu t'embrouilles, ça parle en douille. Ta famille part en deuil. 5-900, en audition, ferme ton bec devant la bague qui t'apprend des coups de bouc. 5-900, dans la cave, on pèse des chats en état de choc sur le terrain, ça vend du shit. 5-900, on est fou, c'est pas notre faute, la justice, on en a rien à foutre. 5-900, ça arrête la school en primaire. C'est speech, la rente au rap sans primaire. Ça baisse en préliminaire. 5-900, c'est la jungle, c'est la fun. Des coups de boule pour des fans. En GAV, c'est la ferme, c'est tech pour les fans. 5-900, les pucelles sont des macrelles. Au quartier des crêles, les poursuites finissent au canal au troll. 5-900, j't'ai retard sur du violent, c'est violent. Nique les préfets, les donnes volantes. 5-900, on termine comme des blagues. Les harbiers, les blagues qui squattent les blocs. Les hardouches débloquent. Téléphone volé, même barbu débloque. 5-900, c'est un film réel. Ça tire à balle. Les gars font la belle. Défoncé sous la belle. Voilà, Dakar, bientôt sur la belle. 2006, c'est tous au saguet. Esquive la justice et leur putain de parquet. On encule la police qui cherche à nous embarquer. Vu qu'on veut des calices, peu importe le prix à payer. C'est nous les voyous, les délinquants immigrés, les jeteurs de cailloux qui vivent son compte de l'état français. Et sur le raté, on passe des deux journées pétées. Et chaque matin on dit hamdoulette de cette parfait pété. Je veux être le meilleur, je veux que mes frères se reconnaissent dans ce que je dis. Et d'ailleurs, moi et ma bande, on compte sortir à ce que je dis. J'en place une pour les auditeurs, ceux qui niquent les cœurs. Les produits volent à l'attire, les squatteurs, ceux qui attirent les Yanklars vers les dealers. Normal, on veut des dollars, alors on devient des pilleurs. Un Michon dealer, on se lance dans tout, même l'étalage. Et si elle racesse dans les parages, ça part en arrache. Ouais, on veut être riche, fêter le million, parce que la vie est rush. On voit rarement l'horizon, chez nous c'est le hala. Les Albiers, Carla, vendent du 7 là. Si vous êtes là, criez avec moi, nique le commissariat. Vu qu'il y a trop de keufs corrompus, alors on a rompu le dialogue. Vu que lors des contrôles, y a trop d'abus. Et si t'as bu, là ça part en rébellion, outrage, caillassage. Les gars de la rue sont passage, mais on est que de passage. Donc on explose les barrages, on ramasse qu'on peut avec rage. Pour pouvoir prendre le large, t'as vu la vie qu'on a, y'a de quoi devenir bâche. En plus, on veut vivre comme des bourges, c'est pour ça que les petits franges deviennent étranges. Bah ouais, faut qu'on mange, et nique leur mère si ça les dérange. Mais ouais, ça pue la levette, dans le quartier ton trop de stune. Mes frères finissent aux oubliettes, et sur le terrain on lutte. Sachez qu'on veut des pépettes, pour ça on pèse pas le strike sur la France, c'est notre roquette. Cheat pute, on bulle, si cette niquette dans nos rues c'est chaud. Ça tabasse les skinettes, sort la lame au facho. J'ouvre sur cette planète, des guerres y'en a trop. La Palestine, notre cesse, jusque dans nos ghettos. On veut prendre les temps, le vrai dealer lâche de paix, qui me verront pas dans une corvette. Même si dans le rap j'ai percé, je serai toujours avec mon gros pet posé au QG, avec un flash pour me péter la tête. Ouais, mes associés. 2006, c'est tous au saguet. Esquive la justice et leur putain de parquet. On encule la police qui cherche à nous embarquer. Vu qu'on veut des calices, peu importe le prix à payer. C'est nous les voyous, les délinquants immigrés, les jeteurs de cailloux qui vivent son compte de l'état français. Et sur le raté, on passe des deux journées pétées. Et chaque matin on dit hamdoulette de cette parfait pété. 2006, c'est tous au saguet. Esquive la justice et leur putain de parquet. On encule la police qui cherche à nous embarquer. Vu qu'on veut des calices, peu importe le prix à payer. C'est nous les voyous, les délinquants immigrés, les jeteurs de cailloux qui vivent son compte de l'état français. Et sur le raté, on passe des deux journées pétées. Et chaque matin on dit hamdoulette de cette parfait pété.